c'est Radio Holiday. C'est au Recycla et sur le 105.4 FM. C'est chaque jeudi de 21h à 22h. On est en vacances, on est là pour se détendre. Vous prenez du plaisir. Merde. Il n'y a pas de deuxième chance, hein, c'est du direct. Hein. C'est un concept du Radio Panique. Nous sommes en direct sur le 105.4 FM à Bruxelles et le www.radiopanique.org. Pendant une heure, vous allez être au cœur du festival Holidays au Recycla, gare de la Chapelle. Pour ce faire, je suis bien entouré, représentant la France, casquette bleu, blanc, rouge, Tamara. Allô, allô, bonsoir et vive le sport ce soir, le sport qui va nous faire suer comme d'habitude à Radio Holiday. En plus de notre petite française, nous avons Emeric, Olympic Games. Ouais, salut, salut à tous, vive le sport ce soir sur Radio Panique, allez. Charlotte à notre droite, Charlotte et son chapeau de paille olympique. Et les couleurs olympiques les couleurs aussi, olympiques. Parce que Jeux Olympiques représentent aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. Et surtout, un invité de marque aujourd'hui, Sylvain. Bonjour. Voilà, il est très content d'être là. Je suis un peu timide. Je tiens à dire que c'est quand même l'homme sans qui Radio Panique ne diffuserait pas sur la FM. C'est vrai. Effectivement, c'est diffusé sur la FM, c'est le 105.4. Super technicien. Un pilier. Technicien man. C'est ma faute. C'est sa faute. Et... C'est donc une émission Radio Holiday sous le signe de l'olympisme. Chacun son petit anneau, on va tous s'assembler, on va faire des jeux aux couleurs de l'olympisme, bien sûr. Pas forcément de Marseille, mais... Pas forcément. Un peu quand même. On va commencer tout de suite avec la rubrique Don't Scratch It. Voilà, avec un Marseillais, je sais pas s'il est Marseillais, mais David, tu nous entends? Tu peux venir? On te laisse le temps du jingle. Voilà, un petit jingle et on l'accueille David, qui vient de faire un mix pour vous. Pour vous tous. Radio it is. Don't scratch it. Qu'est-ce que c'est que ça? Si vous voulez mon avis, il s'agit d'une bande organisée. Mais c'est une affaire très pointue, je t'assure. Don't scratch. Pour les scratchers des plages et d'ailleurs les scratchers olympiques, puisque cette semaine c'est une spéciale olympisme, mais nous avons David qui vient de scratcher. Ouais, qui vient de scratcher. J'ai surtout pas scratché. Il a surtout pas scratché. Non, il n'a pas scratché. J'ai passé des vinyles. Il a passé des vinyles. Alors voilà, justement, on se demandait ici le passage ou le poussage de vinyle. C'est un. On dit poussage ou passage Dans mon cas, c'est du poussage. Le poussage. Je mixe donc, pas, j'enchaîne. Quoi. Quel est ton doigté préféré pour pousser un disque? Le petit doigt pour caler au tout début du disque, au début du morceau, l'air de rien, comme ça. D'accord. Très bien. Alors, deuxième question olympique. Quel est ton record de passage de ringardise à la suite? En temps, tu veux dire? Combien de morceaux ringards as-tu jamais réussi à enchaîner l'un à la suite de l'autre? avant qu'on m'arrête, j'ai bien dû faire une bonne heure, mais je peux tenir beaucoup plus que ça en morceau ringard. Ouais. Donc t'es quand même un champion de la ringardise. Je suis pas un champion, j'aime bien la ringardise, mais c'est subjectif la ringardise. Il y a sûrement plein de trucs que j'ai mis ce soir que plein de gens trouvent ringard, mais moi ce que je passe c'est jamais ringard. Je veux bien te croire. Une troisième question, ton entraîneur musical, puisqu'on est toujours dans l'olympisme. Ouais. Chaque champion a un entraîneur. Il faut un entraîneur. Si. Ça peut être une équipe. Hein. Mon entraîneur musical, c'est une bonne occasion de lui rendre hommage, c'est Eric Georges. Ah. Qui passe de la musique, enfin, qui a une émission sur Radio Campus, désolé. Oh là là. Toi, tu cherches la merde. Les concurrents, c'est la concurrence. C'est pas vrai. Monsieur, c'est carton rouge direct. Qui est l'homme qui a fait découvrir à plein de gens à Bruxelles plein de trucs New Wave 80, plein de trucs japonais, plein de pop espagnol. Ce mec est un dieu de la collection de disques. Alors moi j'ai une autre question. Quel est ton record de meuf sur le dance floor? Les plus chaudes de Bruxelles. Mais alors le truc c'est qu'en fait mon record de meuf sur le dance floor je m'en fous. Par contre mon record de mec sur un torse nu sur le dance floor. Alors quel est-il? Dis-nous tout. Disons que j'ai bien dû réussir une fois à faire danser 4-5 mecs très très proches de moi, torse nu sur le dance floor. Et c'est chaud. Et c'était chaud. Waouh, on voit qu'on a affaire quand même sacré champion, hein, je dois dire. Alors si tu devais rapprocher le vinyle, le poussage d'un sport, ce serait le lancer de vinyle ou le jonglage de vinyle? Non, le lancer de vinyle, le disco ball à la grecque comme ça. Ouais, bien sûr. À l'ancienne. Est-ce que tu aurais des vinyles à lancer pour nos spectateurs là, lesquels ce serait par exemple? Si j'avais un vinyle à lancer là tout de suite. Oui, les régaler. N'importe quoi du grand Jojo, un truc du grand Jojo à lancer dans le. Allez, il vous envoie un truc du grand Jojo. Ouais. C'est parti, ouais. Bon, il est moyennement content, mais bon. On te remercie, cher Apollon du vinyle. On te remercie. Et avec on va plaisir. Passer, on va passer directement à la rubrique suivante. Tchuss. La rubrique vélo, vélo. Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer. Monter en danseuse, appuyer sur la pédale, surveiller son braquet. Que d'épreuves pour ces jeunes hommes qui, en attendant l'auréole de la victoire, se contentent de celle de la sueur qui laisse dans son sillage ce trait de musc que connaissent bien les supporters massés le long des routes. Les défonçages sont les mamelles du Tour de France, alors ils se défoncent car la ligne est encore loin. Alors que le peloton n'est plus qu'un souvenir, le glas des premiers abandons résonne dans la montagne. Face à l'effort, ceux qui ont le coup de pédale moins rageur donnent l'impression de reculer, de s'effacer, de disparaître. Et voilà, de retour, Radio Lidl, c'est le Radio Panic Show et nous sommes en pleine rubrique Vélo Vélo, rubrique Cycloperativa. Nous accueillons monsieur Benjamin de Cycloperativa. Bonsoir. On va déjà commencer par présenter le concept Cycloperativa. Qu'est-ce que c'est? T'es là tous les jeudis et vendredis, ou peut-être pas toi ou tes collègues? Non, pas toujours moi, mais on est une petite bande à travailler pour cette ASBL qui s'appelle Cycloperativa. Tu peux parler fort. Je parle plus fort. On est là. Ma mère arrête pas de me dire que je crie tout le temps. Donc vas-y, voilà. Tu peux te lâcher, tu es ici. Tu m'entends, maman? C'est pour toi. Voilà. Encore. Donc je réexplique. Donc on est là tous les jeudis et tous les vendredis soirs. Jeudi à partir de 19, les vendredis à partir de 22. Ouais. Et on répare bénévolement. Les clients n'ont qu'à payer le prix de leurs pièces au fait. Donc ça dure jusqu'au 10 août. Et voilà, tout le monde est les bienvenus tant qu'on nous paye une bière. Ah. Non, c'est pas obligé, on en a déjà. Ah, le paiement nature, on en parlera après. Enfin, maintenant, en fait. On peut en parler maintenant parce que justement. Parlons du paiement nature, Tamara. On a... c'est très bien. Rapproche-toi de Tamara puisque c'est une excellente Olympic Girls. Ah. On a quelques questions olympiques à te poser, notamment sur la préparation de ton matériel. Alors, un bon cycliste, la préparation de son vélo, en quoi elle consiste? Est-ce qu'il vaut mieux masser de manière très lente sa chambre à air, utiliser des lubrifiants ou laisser au repos son vélo? Mais écoute, j'ai envie de dire les trois. Hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Masser, lubrifier et le tout fait partie d'une bonne préparation pour des heures de plaisir. Non, c'est important. Il faut vraiment donner la voix pour que tous les auditeurs de Recyclard et d'ailleurs nous entendent jusqu'au bout de Bruxelles, au canal même, pour concurrencer la plage. Alors, trois étapes. Masser, lubrifier et... J'ai oublié la troisière. Et reposer. Laisse au repos. Et reposer. Non, repose-toi. Alors la meilleure chaussure pour faire du vélo, parce que là on voit que t'es... Non, là, le tongue, t'es quand même mal sapé quoi. Ouais, non, la tongue n'est définitivement pas la meilleure chaussure. Non, moi je vous conseille d'y aller à pieds nus. Hein. Pieds nus. Ouais. À pieds nus, ouais. Avec des pédales crantées. De préférence, non. Donc soft quoi. Voilà. Du soft. Voilà. Avec à propos de pied, on va remonter sur la jambe et donc à quel mollet galbé on reconnaît un véritable pro de la petite reine? Bah alors on en a un juste devant nous, hein, qui a un joli pull bleu ici. Ah, alors bien montré des petits mollets. Tu peux nous le décrire. Des petits mollets bien galbés. Tu peux nous décrire au moins le Alors, on l'applaudit. Court sur pattes. De dos, voilà. Avec de belles cuisses, bien formées. Et alors, le plus important, c'est le galbe du. Oh, c'est dur, c'est tendu. Oh là même là au là. Naturel, on peut voir. Vas-y, parle fort. Un certain mollet dodu. Donne envie de palper. Voilà. Et le plus beau. Le plus beau. Tiens, Tamara, palpe un peu. Toi qui aimes les poils. La voilà, voilà. Qui palpe. Voilà. La voilà qui palpe. Hein. C'est vraiment bien, bien tendu. Le mieux, c'est quand il est rasé, quand même. C'est plus aérodynamique. Ah, le poil, c'est toujours celui qui dérange, même dans la main. Après, pour continuer, dans les échappées, là, est-ce que tu es plutôt favorable au terrain saboté avec des clous? Ou au terrain plat? Non. Non, pas des clous, non. Non, pas pour moi, non. Des bombes alors? Non plus. Alors moi j'ai une question plus technique. Est-ce que tu préfères sucer la roue ou faire des queues de poisson? Voilà, ça c'est. Tu me voyais venir. Ah ouais, je te voyais venir. Mais écoute, j'avais préparé ma réponse. Moi j'ai un grand faible pour les queues de poisson. Ah oui. Je t'avoue que ça ne m'étonne pas de toi. Non, elles sont très dures à trouver, mais elles sont bien placées, les queues de poisson, ça fait du bien. Donc peut-être une ultime question. Alors je te demande de choisir entre trois éléments du vélo. Chaîne, roue libre ou pédale? La chaîne. Ça n'a rien à... La chaîne. La chaîne pour toi? Définitivement, la chaîne. Tu peux peut-être nous expliquer pourquoi? Non, mais sans certaines personnes comprendront. Ne fais pas de sous-entendu. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Très bien, on te remercie. Merci à vous, Benjamin. Merci à vous, venez nombreux. Et la société opérative. Wouh, wouh, wouh. We'll be right back. Alors voilà, après cette rubrique vélo, nous allons passer un moyen locomotivé. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, j'étais motivé pour le dire. C'est le train. Le train, puisque nous nous situons dans la gare de la Chapelle, ou du moins en face de la gare de la Chapelle. Le recyclard est situé ici. Et nous avons pour ce faire, pour parler de la jonction, de la gare, etc. Enfin, je vais vous laisser développer. Laurence et Charlotte qui ont plusieurs questions à poser à Laurence. Laurence, déjà première et question. Tamara. Qui es-tu? Pardon. Voilà, Laurence, pour une petite présentation rapide, les auditeurs n'ont pas de yeux, donc juste nous donner une information ou l'autre qui puisse être publique et entendue par tout le monde. Laurence, qui êtes-vous ici même? Alors, je suis Laurence, je suis la directrice de Recycla et je mesure 1m74. C'est voilà. Énorme. Et je chausse du 43. Ce qui est quand même pas mal pour une fille. Pour une femme. Alors, on a dit que le recyclard se trouvait effectivement sur la jonction à la gare de la Chapelle. La gare de la Chapelle qui a déchiré le quartier de la place Roupe et des Marolles par une voie ferroviaire. Et donc, en fait, comment le recyclard ici s'impose et fait un petit sage entre deux quartiers séparés par quand même 6 voies ferrées. Oui, mais plus fort. Donc c'est le but premier du projet Recyclard. Le projet est né du lieu. C'était pas un projet culturel et après on a cherché un lieu. C'est le contraire. Le lieu existait. Donc effectivement, c'est le seul endroit de Bruxelles où le train est vraiment en aérien et coupe le quartier en deux. Et donc l'objectif premier du projet, c'est relier le quartier des Marolles avec le quartier du centre historique. Et c'est pour ça qu'on est là. Et donc c'est pour ça qu'on développe les différentes activités. Alors dans les activités, il y a la culture et bien entendu des soirées holidays. Il y a l'insertion socio-professionnelle aussi qui fonctionne avec 3 équipes techniques, donc menuiserie, construction métallique et gestion d'infrastructures. Et donc qui réalise du mobilier urbain ou aussi des différentes productions artistiques. Et sinon, il y a aussi le bar-resto qui fonctionne avec dans ce cadre-là de transition professionnelle. Alors, tout le monde a entendu parler un peu ou prou de le grand géant immobilier de Bruxelles qu'est la SNCB. Et puis, avec son département infrastructure, il a le projet de dédoubler les voies et donc d'augmenter la jonction pour désengorger la jonction. Et oui, Charlotte a une question et donc je vais la laisser la mienne en suspens. Charlotte. Non, Charlotte. Non, j'ai une question. Je suis française et donc j'y connais rien. C'est quoi la jonction? Oh là là, parce que pénible, je crois que beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de Français ne savent pas ce que c'est que la jonction. C'est quoi la jonction? Parce qu'il y a un gros projet autour de la jonction. Oui, mais la jonction, d'abord, c'est une infrastructure ferroviaire. Donc, c'est vrai que Bruxelles, par rapport aux autres capitales européennes, et notamment en France, ne fonctionne pas avec des gares terminus. Enfin, elle a fonctionné comme ça jusqu'à la fin du 19e. Et puis, étant donné la position géographique de Bruxelles au centre de l'Europe, ils se sont dit ce serait bien de relier la gare du Nord à la gare du Midi pour justement pouvoir relier Copenhague à Marseille, pour prendre un exemple. Et donc ça veut dire que dès la fin du 19e et pendant tout le début du 20e siècle, ils ont construit cette grosse infrastructure ferroviaire en détruisant tous les quartiers. Et vraiment, on est ici à 700 mètres de la Grand Place. Donc voilà, ça c'est la jonction. Et donc maintenant, après 50 années de fonctionnement, ils réalisent que la jonction est presque saturée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus mettre de train. Or, ils réalisent qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent le chemin de fer et les statistiques montrent que ça va continuer à augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À la SNCB ou chez Infrabel, ils ont une position très ingénieure et donc ils disent on dédouble ou on creuse éventuellement un tunnel. Et ça se passe en stubbelings, comme on dit à Bruxelles, donc sans vraiment débat transparent. Et donc c'est là que nous, on intervient de nouveau. Et donc voilà en quoi Recyclard est affecté par ce projet et quels sont ses alliés justement pour faire émerger ce débat public sur le ferroviaire. Oui, alors on s'est associé avec une autre association, une autre ASBL qui est dans les locaux de la gare Bruxelles-Congrès, qui est l'autre petite halle de l'autre côté de la jonction, et puis avec 2 organismes plus régionaux, donc la DT, l'Agence de développement territorial, et le Baumeister, le maître architecte, pour justement mettre ce débat de façon plus transparente. Et donc, on organise des débats publics à la fois sur des lieux spécifiques de la jonction, donc l'avenir de la gare du Midi, l'avenir de la gare Bruxelles-Chapelle, mais aussi sur voilà, le débat global. Est-ce qu'il faut dédoubler la jonction et de quelle manière faut-il le faire? Est-ce que ce n'est pas plus malin d'utiliser, par exemple, la ceinture Est ou Ouest qui existe de toute façon pour faire passer les nouveaux trains qui passeraient? Et donc on va laisser Charlotte clôturer notre petite interview. Ah non, mais non, Tamara, je sens que t'as encore plein de questions. Mais les questions, elles pourraient fuser, mais notre temps est limité puisqu'on a un train en gare à prendre pour passer à notre rubrique suivante. Donc clôture. J'ai une bête question. À quoi sert la gare La Chapelle? Parce qu'elle est quand même à 500 mètres de la gare centrale et à 500 mètres de la gare du Midi. À quoi sert-elle? Est-ce que c'est vraiment utile de la garder ou pas? Bah, c'est la question que la SNCB se pose. Il y a, je crois, encore entre 1000 et 2000 personnes, donc des nafters, comme on dit à Bruxelles, qui prennent le train. C'est surtout les gens, les jeunes de l'école en face, de l'école Cynthia Berkmans. Maintenant, il faut se dire que quand la jonction a été réalisée, le métro n'existait pas encore. Et donc, c'est ça qu'il y avait beaucoup de stations intermédiaires qui maintenant, effectivement, deviennent peut-être obsolètes ou doivent être, en tout cas être mieux reliées au réseau du métro. Mais donc toi, tu penses qu'il faut conserver cette gare de La Chapelle? Non, on peut la fermer en tant que... D'ailleurs, ça nous arrangerait bien, nous, pour nos activités. Mais voilà, je sais que c'est en débat actuellement à la SNCB. Juste avant, tu as parlé des navetteurs, nafters. Il y a un projet artistique qui va se faire début septembre. Si tu veux en parler, je te laisse en parler, puisque tu as radio libre, comme on dit. Donc il y a plusieurs projets qui se font au mois de septembre. Le projet Nafter en est qu'un. Donc l'idée, c'est vraiment, on a fait un appel à projet à tous les nafters, donc via des sites internet qui les atteint, pour demander de, à la fois nous faire part de leur contenu de nafter, parce qu'on sait que c'est vraiment un statut assez particulier. On connaît certaines personnes dans le train et puis on les lâche pendant la journée, on les retrouve après. Donc l'idée, c'est de faire un petit reportage à la fois photo, images et son autour de ça. Et à côté de ça, il y a d'autres débats plus urbanistiques qui seront organisés. Il y a notamment, on a aussi lancé pour le mois de décembre un concours à quatre bureaux de jeunes architectes urbanistes pour nous donner leur vision de l'avenir de cette jonction. Eh bien, on te remercie beaucoup, Laurence, et pour cet éclaircissement locomotivien. Ce sera l'occasion de faire une prochaine émission sur Radio Panique à ce sujet en profondeur, non? Tout à fait. Et on... je suis tout à fait concerné par cette histoire. Toujours est-il que nous continuons cette émission Radio Holidays. Et c'est l'heure tant attendue de la météo. Prévision météo. Les températures. Un grand soleil donc sur toute la métropole. Et maintenant, on ménage le suspense. Pour rien. Degrés. Bon, jeudi, alors, ça grave encore? Alors, voilà, c'est l'heure de la météo. Alors, j'avoue que moi, je commence à en avoir... Bon, je vais plus vite parce qu'on a déjà 10 minutes de retard. Mais j'en ai déjà marre de parler de la météo depuis 4 semaines parce que ça ne rime à rien, ça ne ressemble à rien. C'est super fatigant de parler de la pluie et du beau temps. En fait, c'est pas du tout funky de faire le bulletin météo et chaque pourtant, jeudi. La pluie te va à ravir. La pluie me va à ravir, oui. D'autant plus qu'aujourd'hui, on avait prévu des nuages. Hein ? Des gros et nuages. Une fois de plus, ça ne se vérifie pas du tout. On avait prévu des gros nuages avec du vent et puis de la pluie. Et en fait... Il y a un grand soleil, alors ça marche pas du tout. Alors est-ce que Sylvain, est-ce que tu peux m'aider? Oui. En quoi peux-tu m'aider? Nous avons un spécialiste. Je peux te consoler en te disant que les nuages ne sont pas si loin que ça. Il est à peu près sûr que d'ici une quinzaine de jours, nous aurons une bonne vieille drage nationale sur toute la Belgique. Sauf, attention, je ne veux pas de procès. Sauf à Knokke, où il fera un soleil resplendissant. Qu'est-ce s'est-il passé par rapport à Knokke? Il y a eu un gros débat. Tu n'es pas sans savoir qu'il est interdit désormais de prévoir du mauvais temps à Knokke. n'est-ce pas ? À Knokke-le-Zoute. Ouais, à Knokke-le-Zoute. Alors là, explique-nous. Parce que sinon, le bourgmestre de Knok, oui, attaque tous ceux qui prévoient un mauvais temps sur de la. De quelle manière il attaque ? Judiciairement. Ah oui, judiciairement, d'accord. Là où ça fait mal, au portefeuille. Ah, pardon, pardon. C'est-à-dire que l'autosuffisance ne suffit plus pour poser un Knok. Oui. Il faut venir avec, avec du soleil, quitte à l'inventer. Pourquoi pas. Mais c'est quand même un peu utopique de croire qu'il fait beau sur la côte. La côte de Knokke-le-Zoute. Mais il n'y a pas que là qu'il fait beau. Dans les 15 prochains jours, il y aura un soleil resplendissant à Tihange, à Doul aussi. C'est les météorologistes de Fukushima qui m'ont fait le tuyau. J'ai quand même préparé un petit point météo. Donc en gros, de maintenant à dimanche. Une moyenne de 15 à 22 degrés, environ 60 à 80%. C'est énorme. D'humidité. Ouais. C'est peu. Des températures plutôt stables. Il y a quand même toujours 100% de risque de précipitation. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais quand on regarde un bulletin météo sur Internet, c'est qu'il y a toujours 100% de risque de précipitation en Belgique. C'est une façon de se couvrir comme ça. Dimanche, ça va se calmer, ça va être un peu la même chose. Lundi, mardi, pareil. Mais alors, chers amis, si vous pouvez prendre congé mercredi et jeudi, ça va être les deux grosses journées de la semaine prochaine. Il va faire 28 degrés. C'est l'été ! Il va faire il y a deux jours. Super chaud, donc c'est tout. J'ai aussi prévu une petite météo marine aujourd'hui, alors rapide. Température de l'eau, 17-18 degrés. Ah. Hauteur des vagues, 0 à 1,50 m. Et donc là, je rebondis sur les Jeux Olympiques d'été. Va-t-on pouvoir surfer ce week-end ? Oui ou non, Tortoli, dis-moi. Ça va être juste. Voilà. Ok. <C'est tout. rire> Et dernière question, puisque toute la richesse de la radio, en particulier de la radio Panique, repose sur toi. En quoi, question à 100 sous, en quoi la météo influence-t-elle l'antenne de Radio Panique ? Je crois que quand il fait beau, les gens sont plus gays, ils ont tendance à boire beaucoup plus et donc l'antenne est beaucoup plus gaie. Donc l'antenne diffuse sur toute la ville. L'antenne diffuse sur toute la ville, mais disons que, pour ne pas me contredire, je dirais que plus il pleut, plus on reste à l'intérieur, plus on boit aussi, donc plus on écoute Radio Panique. Et qui est le la pire bande son, je... Qui est le pire ennemi météorologique de l'antenne de Radio Panique ? Est-ce que c'est le vent ? Est-ce que c'est le froid ? Est-ce que c'est le gel ? Est-ce que c'est le soleil ? Qui est cette jeune ? Eh bien, fort malheureusement pour moi, le pire ennemi, c'est plutôt le gel, la flotte, le vent. Non, parce que aller sur les toits, tu vois, au printemps, en été, quand il fait 30, tu vois, ça j'aimerais bien. Mais non, quand on a une panne, à chaque fois, c'est l'hiver, il caille. Donc, c'est le gel qui fait que Radio Panique est une radio noise. Le gel et l'alcool, oui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, la météo, on passe à autre chose. Allez, ciao, terminé. Comme je vais... C'est Radio Holiday. Je n'ai pas, je vais dire, du métier, pas de diplôme. Je vais dire, ça peut, je vais dire, étonner plus d'un, mais je vais dire, moi, on s'aime. Et bon, ben, je vais dire... Cette eau recycla. Sur place, je vais dire, je pouvais rien faire de mieux que d'entendre. Le 105.4 FM. Et de poser le même acte technique. Radio Panique, 105.4. Je vais dire, donc il n'y a aucun danger, je vais dire, pour la personne. Et voilà, de retour, Radio Holidays. Après cette chronique météo, nous avons eu un intervenant surprise. Blind test. Blind test, peut-être. Okay. C'est l'heure du blind test. Alors attendez. Peut-être voulez-vous exprimer... Alors, petite... C'est l'heure des JO, commentateur JO. Ouais, il y a les JO aussi, mais ça... Oui, bon, ok. Monsieur est venu expressément pour le blind test tube. Ah, ouais. Alors, nous allons expliquer rapidement ce que c'est que le blind test tube. Ça, c'était une petite vague dans la gueule, c'est pas grave. Toujours est-il que c'est l'heure du blind test tube. Nous allons vous solliciter, vous, public, afin de trouver le morceau que monsieur aux lunettes jaunes, appelé Marquant, a sélectionné pour vous. C'est un morceau qui lui rappelle forcément des souvenirs. Et nous allons vous en passer un petit extrait, histoire de vous détendre. N'hésitez pas à lever la main. Ah. Relève ta jupe. Si vous avez la réponse, manifestez-vous. Ah non, non, plus bas. Ah voilà, c'est ça. Montez un peu le son, en fait. Ici, bouge pas, un côté, ici, il y a une personne qui ne veut pas répondre. J'en ai connu des jolies filles. ni fois plus belle que toi. Chenville. J'en ai connu avec des corps parfaits. Ils ne m'ont jamais fait l'effet que tu me fais, me fais, me fais, me aïe. Dès que tu t'assieds, je suis fait. Oh, j'aime, j'aime, j'aime, j'aime. J'aime tes genoux. Alors personne qui me fait un peu ce morceau. Un chanteur français qui a bien réussi sa vie. A-t-on un gagnant? A-t-on un gagnant? Je pense qu'il faut mettre un peu plus de basse ou de son là. Faut monter le son un peu. Sur les murs, il y en a au plafond. Il y a des genoux plein la maison. Et j'en ai même collé sur notre joli plancher. C'est un peu difficile. Et par-dessus tout. Aïe, j'aime. Alors c'est un chanteur connu. C'est un chanteur connu. Français. D'origine. Avons-nous un gagnant? On a un gagnant? Nous avons un gagnant. Ah oui, nous avons un gagnant. Mademoiselle l'hôtesse. Je n'en attendais pas moins de lui. Alors monsieur, présentez-vous, dites-nous. Ça va bien. Ça va bien. Ça qu'est-ce va bien. Que vous avez reconnu comme... Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Ah, pardon. Quelle horreur. Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu? Quel était le nom du chanteur ou peut-être le titre de la chanson? Mais... Écoute... J'ai rien compris. La réponse. C'est donc un... Quelle réponse? Un faux gagnant. Sur quelle question? Alors, on cherchait le... Il y a du chaos, alors j'ai créé du chaos. Ah. Ah oui, non, c'est autre chose. Hein. C'est autre chose. Je comprends rien que... Alors, on va remettre le morceau peut-être. On va le remettre un petit peu, un peu plus fort. On va vous laisser 10 secondes. Un peu plus fort. Et plus vite vous trouvez, plus vite on l'arrête. Hein. Ah, chacun sait vous. Ah, j'aime tes genoux. J'en suis jaloux. De nouveau la question. Quel est le titre du morceau ou l'interprète? Henri Salvador. Bravo, monsieur. Henri Salvador, c'est donc le chanteur de ce morceau. Voilà, responded. Finalement, nous avons quand même réussi à trouver un gagnant. Ce fut laborieux. Hein. C'était une semaine difficile. Alors, une semaine difficile voilà. Pour tout le monde. Donc, votre... Monsieur est parti. Alors peut-être monsieur Marquant qui nous a proposé cette chanson, peut-être pouvez-vous nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants Petite en fait, donc Sean Peel était hors compétition, Sean Peel qui représente Surreal Sound System. Très bien, mais pourquoi vous? Pourquoi parce vous, monsieur Marquant, ayez choisi cette chanson? Voilà, donc parce qu'en fait on avait cette même chanson en tête le même jour. Vu qu'on travaillait ensemble et qu'il est venu me demander le nom de cette chanson que je lui avais déjà fait écouter et que j'avais en tête depuis une demi-heure sans l'avoir fredonné ni chanté, no joke. C'est une explication un petit peu cérébrale. C'est vrai, non, franchement, il n'y a pas de triche, aucune triche. Et encore, je suis sympa. Et c'est vrai pourtant. Non, c'est vrai, mais voilà. Donc par contre, on a perdu le monsieur qui a gagné, il est peu importe, c'est dans le cœur que ça compte. Ok, ça va. On va se passer un petit morceau. Je pense que c'était le gagnant le plus blasé qu'on ait jamais eu dans ces Recyclar Holidays. Le plus blasé, aka le plus pourri. Peu importe, passons-nous une petite page de publicité. Musica. Même s'il pleut, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. La Côte d'Azur à Saint-Malo. Go! Et bien de retour après L'été sera chaud. C'était un tube à l'époque de Chardin. Et nous allons passer à la rubrique JO, puisque vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, se sont ouverts les Olympic Games, les Jeux Olympiques à London. Pour ce faire, nous avons envoyé des envoyés assez spéciaux. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Hi, what do you think about the Olympic Games? Everything is moving all right, as expected. Mind the gap. What? Mind the gap. You think it's good? Yeah, it's good. You don't participate? As you can see, I'm indirectly participating because I'm picking the rugby. Yes, I can see, but... Mind the gap. So, could you explain your motivation for the Olympic Games? Yeah, picking rubbish. Yeah. Wow. Are you a journalist? Yes, for a very, very good radio, it's Radio Panique, 105.4. Indirectly, we are the staff that are employed to pick this rubbish, because if we don't pick it, everyone will be very dirty. The field will be littered, and people will not be happy staying here. So, thank you very much. Thank you. Mind the gap. What do you think about Olympic Games? That's all. What I think about Olympics? About Olympics. It's marvelous. And why you don't participate at Olympic Games? I didn't participate because I don't have a special skill at the moment. Only for drunk. If there is an Olympics for the drunk, I could participate. I don't know. But Link, Link. Mind the gap. L'entrée du stade. T'as mis tes crampons? Je suis prête. Moment très émotionnel pour moi. T'es échauffé? T'as l'air bien échauffé. Je suis grave chaude. Comme de la barrette. Taquet. How many? Three. It's a scan. Là, on est dans la file d'attente. Les gars. Pour entrer dans le stade olympique. C'est scanner. Ils disent comme un aéroport, mais en fait, c'est pire. On va se faire fouiller à poil, enlever, mais tout quoi. Portique de sécurité. Portique de sécurité, s'il vous plaît. C'est quoi qui est interdit déjà? Les armes, les bouteilles, les drapeaux quoi. Les mecs, ils interdisent des drapeaux. Des trop grands drapeaux. C'est vrai que les Français, ils ont une tellement grande gueule qu'ils sont capables d'amener un drapeau de 15 mètres. C'est vrai. Ouais. Your cap and your sunglasses okay. and your jacket. Anything in your pockets? Discrimination. Moi qui suis noire, on m'a à peine fouillé. Elle a dû se mettre à poil presque. Les Africains sont toujours des frères. Solidarité internationale. Ah, parce que Security Man il était africain, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Yes we can. Yes we can. This station is Green Park. Change here for the Piccadilly and Victoria lines. Exit here for Buckingham Palace. Et voilà, Radio Leaders, on est en plein JO et on est en pleine chronique JO. Et pour ce faire, nous avons concocté une épreuve olympique. Une épreuve olympique avec trois participants. À ma droite, Charlotte en maillot rouge, monsieur en maillot gris et monsieur en veste verte. Trois participants, mais également trois jurys. Trois membres du jury, devrais-je dire. Monsieur, casquette bleue, madame, chapeau et mademoiselle, chemisier carreau. Alors, en quoi consiste cette épreuve? Cette épreuve est assez simple. C'est une compétition de roues. Oui, mais de roues olympiques. Alors, chacun des participants va devoir effectuer une roue. Messieurs, dames, les jurys, vous allez devoir les noter. Nous commençons tout de suite par... Honneur aux dames, messieurs, vous ne serez pas fâchés? Honneur aux chevelons, alors. Monsieur avec les crolls. Allez, allez-y. Vous devez effectuer une roue. Ces messieurs du jury vous feront une petite notation. Attention, nous allons décrire la roue de monsieur. Une petite gorgée peut-être avant de commencer. Voilà. Fais gaffe, il y a une pente, hein. Allez-y. Allez, on vous regarde. allez, un peu d'encouragement pour monsieur. Allez, Greg. Allez, monsieur. Oh là là, il a percuté quelqu'un sur la piste. Pas de problème. Attention, il s'élance. Il prend son temps. Il salue le public. On applaudit. Wouh ! Groupé, attention, la roue. Oh, une belle roue qui retombe presque dans les jambes du public. Ouais. C'est pas mal. Nous allons devoir faire appel au jury. Monsieur met un 3. Monsieur le juge russe est assez sévère. Mademoiselle, la juge allemande, 3 également. Et madame, la juge ukrainienne, 4. Ce qui nous fait un total de 10. Ce qui est pas mal. C'est une échelle de 1 à 5, rappelons-le. Oui, effectivement. Donc c'est assez bien. Monsieur le candidat numéro 2, monsieur Crowley. Attention. Il nous vient de Jamaïque. Il aime la littérature française et les yaourts à la cerise. Allez-y, monsieur. Il s'échauffe. Il semble prêt. Ouh, il est très joli. La réception est magnifique. Un beau carpe groupé. Nous allons demander au jury, le jury. Allez-y. Allez. Alors, madame l'Ukrainienne, elle nous met 5, l'Ukrainienne. C'est sûrement sa copine. Madame l'Allemande nous met 3. Et monsieur le Hollandais, 3 également, ce qui nous fait un total de 11. Monsieur Crowley, jamaïcain, est pour l'instant 4 de moyenne. Ce qui est pas mal. Alors, parce qu'en fait, on a deux gauchers dans le tas. Hein. C'est vrai. Faut souligner ça. Hein. C'est Greg, pas de notre faut pas dire le nom. Nous allons passer au troisième. Deux gauchers. Au troisième participant. La participante, la seule femme de l'épreuve olympique de ces Recyclard Holidays. Qui a des collants verts, il faut le noter. Hein. Des collants verts, une jupe bleue et un haut rouge. Elle nous vient du Hainaut. Je crois qu'elle est française. Mademoiselle, c'est à vous. Un salut olympique pour commencer. Une belle roue. Très joli. On sent le professionnalisme, on sent les mois d'entraînement. Là, je pense qu'on atteint des sommets. Nous allons donc nous tourner vers le jury. Le jury, oh là là, 4. Le jury me semble conquis. Je vois 2-4 et 1-5, ce qui nous donne un total de 13. C'est madame. C'est sur 10 en fait ou sur 5 C'est madame qui gagne. Sur 5 ou sur 10? Bravo madame. C'est Radio Holiday, c'est Radio Panic. Mes amis, allez! Y'a pas une deuxième chance, hein, c'est du direct. Hein. Allez! Et voilà, après cette épreuve olympique, on remercie d'ailleurs le jury qui a été impartial comme il se doit. Et on félicite la gagnante, mademoiselle la Hongroise. Et nous passons à la rubrique Holidays Night Fever avec en invité de choc et de charme, monsieur DJ Leblanc qui officiera demain. Bonsoir. Demain pendant la grosse soirée du vendredi qui sera à tendance électro-africaine. Électro-africaine. Entre autres. Un petit peu. Monsieur DJ Leblanc, vous allez donc passer à quel moment de la soirée? Vous êtes plutôt 23h, 22h? Fort. Moi, j'ouvre à 23h, donc avant, il y a un concert de TP Mikili dehors. Ouais. Et moi, j'ouvre à 23h, après, il y a Romare, après, il y a Shangan Electro, nos invités spéciaux de l'Afrique du Sud. Et après, il y a Job, après, il y a Wasted Matter. Donc, c'est une soirée chargée. Une soirée chargée, effectivement. Et on va peut-être pouvoir écouter un petit morceau, ou du moins un extrait de ce que vous allez nous passer. Vous êtes spécialisé en quel type de musique, monsieur DJ Leblanc? Monsieur Crespin. Fort. Parlez fort, ouais. Parlez fort, il faut parler fort. Moi, je vais commencer à 11h avec un set house quite sud-africain. D'accord. Et c'est un peu une introduction sur la soirée, ce qui va être aussi sud-africain dans le sens que les Shangan Electro de Johannesburg vont venir. Mais avec un autre style de musique, c'est Shangan Electro. Mais moi, je vais jouer de la house sud-africaine, la Kwaito. Et ce soir, tout à l'heure, donc à 22h, il y a aussi un documentaire qui parle un peu sur l'Afrique du Sud, des impressions personnelles d'un artiste d'Anvers. Et je pense que voilà, c'est le week-end de l'Afrique du Sud pour moi. Et demain, Quieto House. Comment tu connais tout ça en fait? Tu es déjà allé là-bas ou ouais, peut-être avez-vous des femmes en Afrique du Sud? On peut rien. On peut rien me cacher. J'ai mené l'enquête. Réel. Non, il y a de la bonne musique par contre. Donc, la belle excuse. Je suis allé deux fois. Elle est belle. Je l'ai amené. Donc on va écouter DJ Tweety de Durban. Et le morceau s'appelle Durban Rush. C'est un long morceau. Donc tu vas le laisser jouer. Ouais. Allez le public, dansez hein, ça commence là, ça commence minutes. Hein. Il faut danser là. Mais je pense que tu fasses une démonstration de comment ils dansent aussi. Comment est-ce qu'ils dansent là-bas en fait? Bah, je pense que regarder sur YouTube. Non, tu vas nous faire une petite démonstration, ça se passe sur la plage. Une petite démonstration sur la plage du Recyclard. DJ Leblanc en démonstration dance. Merci. Ouais, c'est parti. Yes. C'est donc DJ Tweety d'Urban Rush qui a été sélectionné par DJ Leblanc que vous retrouverez demain à la soirée du vendredi soir. Et on n'a pas que ça, il n'y a pas que DJ Leblanc dans la vie, il y a du sexe aussi et il y a aussi Shangan Electro. Oui, il y a une très très belle soirée demain qui nous attend avec d'abord un Congolais, orchestre TP, tout puissant Mickey Lee, un Congolais qui recherche ses influences en se mélangeant à d'autres musiciens de Bruxelles. Et puis les tout fameux Shangan Electro qui nous viennent d'Afrique du Sud. Ouais, c'est pour demain. Ils sont de passage ici en Europe. Je crois qu'ils joueront ailleurs aussi plus tard. Mais ça nous en tout cas, pas. Apparemment, ils ont... C'est demain. Ouais, c'est demain. C'est demain. Ils ont fait déjà une sensation sur les vidéos YouTube et tout ça. Alors apparemment c'est de la musique électronique avec des claviers MIDI et surtout c'est la danse qui compte hein, parce qu'ils dansent, ils prennent plaisir à danser Et c'est ça qui a marqué les gens. Et ça tombe bien parce que. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un live plein d'adrénaline parce que les BPM augmentent au fur et à mesure du concert. Allez. Donc ça va de plus en plus vite. Les danseurs dansent de plus en plus vite. Et donc je pense que ça va être le concert de l'été. Il faut absolument y aller. Modeste. Shangan Electro, si vous ne l'avez pas vu au moins une fois dans votre vie, il faut le voir. Voilà, il faut venir demain et pour les voir. Et vous aurez de la joie au cœur. On va s'écouter un petit morceau et modestement, on va essayer de les imiter. À 1h30. Et pendant ce temps, on va essayer d'élire la bombasse de la semaine. La bombasse de l'été. C'est pour le plagiat de la semaine. Mais tout de suite, c'est Shangan Electro avec une démonstration de danse. De la semaine qu'on a déjà élu pendant 3-4 semaines, la bombasse de la semaine. Alors, il faut que ça vienne maintenant. Alors, on a des chasseurs de têtes là qui sont en train de chercher la bombasse, the perfect chick, la parfaite quoi. The gorgeous girl. Mais alors, vite, faut que ça aille vite, les mecs. On peut quand même mettre encore un peu de musique. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite. Así, así, todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a manejar. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Alors on a trouvé la plagiste de la semaine, c'est plutôt la bombasse de la semaine. C'est la plus cool de toutes. C'est la plus cool de toutes. C'est la plus cool. Mademoiselle, comment vous appelez-vous ? Dalila. Dalila. Si j'avais un petit morceau de Dalila, je vous le mettrais. Mais on va éviter, on va tout de suite passer au quiz. Bombasse de la semaine. Alors, quiz bombasse, un c'est quiz. Assez simple. Médaille du mérite ou médaille olympique ? Mérite, d'office. Alors plutôt maçon polac ou péripatéticienne bulgare ? Ouh, rien de tout ça. Rien de tout ça. Alors, on enchaîne. Protection latex, ouais. Puisque les Jeux Olympiques, c'est un combat sportif. C'est 130 000 ou 150 000 capotes anglaises. Ouh, au moins ça. Au moins ça. En termes de dopage, plutôt stéroïdes ou EPO ? Je sais pas ce que c'est. Question suivante. Question suivante. Le lapsus sportif à l'insu de mon plein gré ou une grosse vache de chaleur ? Une grosse vache de chaleur. Et alors pour terminer, extension de la lutte, nageur pro en peau de requin ou coureur de relais avec pattes de lièvre ? Nageuse d'office. Hein. La fameuse nageuse, nageuse d'office. Et alors pour terminer, la nouvelle discipline des Jeux Olympiques, est-ce que ce serait du ping-pong subaquatique ou du karaté en apnée ? Ping-pong d'office. Ping-pong d'office est donc là. On notre te remercie. Émission touche à sa fin. Merci beaucoup Dalida. Merci beaucoup Dalida, tu étais la bombasse Dalila, de la Dalila, Dalila. Dalila, pardon, tu es la bombasse plagiste de la semaine. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, 21h, 22h, c'est Radio Holidays. Et c'est même la dernière, hein. Ça sera même la dernière, donc ça risque un petit peu de péter. Toujours est-il que vous avez rendez-vous après avec un concert, un film maintenant, il y a encore un autre concert dans une galerie plus loin, et surtout demain, la grosse soirée.